Il était une fois un grand seigneur, si coléreux que lorsqu'il se fâchait, son visage devenait tout bleu. Il avait d'ailleurs une particularité, sa barbe était toute bleue. Et cette étrange particularité faisait que, bien qu'il fût extrêmement riche et puissant, il n'y avait ni femme ni fille qui ne s'enfuit de devant lui, tant son aspect était terrifiant. Il possédait plusieurs châteaux et palais, tous somptueusement décorés. Il mangeait dans de la vaisselle de vermeil et d'or, et ses coffres étaient remplis de merveilles jusqu'au bord. Il possédait également d'innombrables carrosses, tous dorés, ainsi que d'immenses domaines où des milliers de paysans le craignaient en gémissant sous sa dépendance. Et pourtant, ce grand seigneur ne connaissait pas le bonheur. Car voyez-vous, les enfants, voilà la preuve formelle que l'argent ne fait pas le bonheur. Une de ses voisines, dame de qualité, avait deux filles en âge d'être mariées. Et des deux, nul ne pouvait dire laquelle était la plus belle. « Oh, mes enfants, il nous arrive un grand malheur. J'ai été convoquée au château du seigneur Barbe Bleue. » Et alors ? « Il prétend épouser l'une ou l'autre de vous deux. Et pour mon plus grand malheur, il me laisse le choix de celle que je voudrais bien lui donner. Vous vous rendez compte ? Qu'en dis-tu, toi, Anne, mon aînée ?»« Mon Dieu ! Quelle horreur ! Il est hideux ! Ah ! Avec cette vilaine barbe ! En plus, paraît que c'est un vilain homme méchant et tyrannique !»« Je sais, je sais. C'est quand même un grand seigneur. Et vous savez bien que rien ni personne ne peut lui résister. Il est propriétaire de notre ferme. Et je crois bien qu'il ne nous met à la rue si nous ne faisons pas ce qu'il demande. » Et toi, ma petite cadette ? Ce diable, avec la barbe toute bleue, on plutôt me jeter au feu. D'ailleurs, on dit partout que ce vilain sournois a déjà été marié, on ne sait combien de fois, et que personne n'a jamais su ce que ces femmes étaient devenues. Disparues, prit, volatilisées. T'as beau avoir tous les trésors, des mâles, des coffres remplis d'or, pas une femme ne s'entichera d'un seigneur coléreux comme toi. Et ta particularité en a effrayé plus d'une. Ta barbe bleue porte le secret que tu payes à cette infortune. Et femme, tu voudrais épouser et dictature lui imposer. Tu fais semblant de festoyer pour un jour les apprivoiser. Pour un jour les apprivoiser. Les commérages font leur chemin. Tu te montres à ton avantage. Pour mieux ainsi forcer la main à la plus belle des voisinages. Mais tu ne pourras pas t'empêcher de mettre encore tout en œuvre pour un jour mieux la dépecer. D'une stratégie qui me crève le cœur, tu trouveras sur ton chemin la réponse à ta barbarie. Pour cela, pas besoin de tendre la main, car ce jour-là t'ôtera la vie. Ce jour-là t'ôtera la vie. T'ôtera la vie. Il ne faut pas prêter l'oreille au commérage. Tout ce que je sais, moi, mes filles, c'est que nous n'avons du côté de notre famille à espérer aucun héritage et que la situation est grave. Cependant, le seigneur de la barbe bleue résolut de se montrer sous un jour avantageux. Il envoya donc un messager porteur de la missive suivante. « Permettez-moi, madame, de vous inviter avec vos deux demoiselles ainsi que trois ou quatre de leurs compagnes habituelles et quelques jeunes gens du voisinage à passer quelques jours dans mon humble château. » C'est ainsi qu'il nommait le plus proche de ses châteaux princiers. Impossible de refuser une telle proposition. Surtout tourner aussi poliment. Et pendant 8 jours pleins, ce ne fut que délicieux festins, danses, promenades, réjouissances et cavalcades. Bref, une suite ininterrompue de festivités. Si bien qu'à la fin, la cadette se dit « Ce seigneur n'a pas la barbe si bleue, tout compte fait. Il me semble fort honnête homme. On ne s'ennuie pas tant que ça avec lui, en somme. Il n'est pas si mal que ça. Et puis, je ferai une bonne action. Mes parents pourront conserver leur ferme. » Et je pourrais même leur faire des cadeaux, avec une telle fortune. Dès qu'elle fut de retour à la ville, le mariage fut conclu. Elle s'en alla vivre au château et fut plutôt bien traitée, avec tous les égards qu'un homme doit à sa jeune femme. Cependant, au bout d'un mois, Barbe Bleue dit d'un air bizarre « Femme, je dois faire un voyage au loin durant 6 semaines au moins pour une affaire de la plus haute importance. » Je vous prie de bien vous divertir pendant mon absence. Je vous confie mon trousseau de clés. Cette clé ici est celle du grand débarras où est rangée la vaisselle d'apparat. Celle-là, de mon coffre-fort, où se trouvent mon argent et mon or, dont vous pouvez disposer à votre guise, bien sûr. Voici celle de la grande cassette en acajou, où sont mes plus beaux bijoux. Et voilà la clé passe-partout de tous mes appartements. Quant à cette petite clé-ci, c'est celle d'une porte au bout de la grande galerie de l'appartement bas. Ouvrez tout, allez partout. Mais pour cette chambre-là, je vous défends d'y entrer. Et je vous défends d'une telle manière que si vous y arriviez à y aller, vous aurez tout à redouter de ma colère. C'est bien compris ? Le ton sur lequel il prononça ces dernières phrases vous aurait donné des frissons dans le dos. Mais la jeune épouse, qui n'avait pas envie de courroucer son époux, lui fit une belle révérence. Je vous promets, Seigneur, d'observer exactement tout ce que vous venez de m'ordonner. Madame, voici les clés de toute ma fortune. Madame, voici les clés, n'en perdez aucune. Une clé pour le débarras, pour la vaisselle d'apparat. Une clé pour le coffre-fort, où se trouve l'argent et l'or. C'est de la cassette en acajou, et remplie de beaux bijoux. La clé des appartements, car je parle sur le champ. Et voilà le passe-partout, c'est celui qui ouvre tout. Puis enfin la petite clé dont il faut tout redouter. Madame, voici les clés de toute ma fortune. Madame, voici les clés, n'en perdez aucune. Monseigneur, je vous promets de respecter tous vos souhaits et de bien garder vos clés avec une grande dignité. Même de grandes curiosités peu à peu me dévoraient. Une petite voix me disait que je pourrais y entrer. Mais comment imaginer ce que j'allais y trouver? J'étais fort désemparée devant tant de cruauté. Madame, voici les clés de toute ma fortune. Madame, voici les clés, n'en perdez aucune. Le carrosse de Barbe Bleue n'avait pas disparu au bout du chemin dans un nuage de poussière que la jeune épouse crut entendre une voix qui ne lui était, hélas, que trop familière. Celle de la curiosité, au fond d'elle-même. Dis donc, ma belle, tu l'avais remarqué, toi, cette porte au bout de la grande galerie de l'appartement bas ? Cette curiosité était une petite personne pernicieuse et vicieuse qui vit en chacun de nous et se développe ou non chez certaines personnes et avec laquelle il faut toujours savoir raisonner. Oh, écoute, tais-toi. Tu ne vas pas commencer. Tu me fais toujours faire des bêtises, tu le sais bien. Pourtant, 2 minutes plus tard, la petite voix reprit. Bon, bon, je n'ai rien dit, c'est égal. Je me demande bien ce qu'il y a derrière cette porte. Et pourquoi ton mari t'en a confié la clé de la sorte, tout en te défendant de t'en servir? Tais-toi, te dis-je, je ne veux pas lui désobéir. Veux-tu le voir dans une colère bleue? Et afin de couper court à la discussion, ainsi d'ailleurs qu'à la tentation, la jeune femme fit ce que son mari lui demandait. Elle invita ses meilleurs amis à venir la voir. Alors celle-ci n'attendait que l'occasion de pouvoir admirer sa maison, n'ayant osé y venir pendant que le mari y était, à cause de sa barbe bleue, qui les effrayait toutes. Les voilà aussitôt à envahir toutes les pièces et à s'extasier sur leurs multiples richesses. Cependant, la jeune mariée ne s'amusait pas autant que ses invités, à cause du tourment que lui donnait son insupportable curiosité. La petite voix intérieure venait sans cesse lui rappeler la petite porte au bout du couloir. À peine ses amies furent-elles parties que par un escalier dérobé, elle se précipita vers la chambre de l'appartement bas au bout de la grande galerie. Arrivée devant la porte, elle hésita longtemps. « Eh bien, allons, qu'est-ce que tu attends? Comment saura-t-il que tu as désobéi? Hein? Je te le demande, tu refermeras bien soigneusement la porte après et le tour sera joué. » La tentation, décidément, fut trop forte. La belle enfant prit la clé et ouvrit la porte. Et lorsque ses yeux se furent habitués à l'obscurité, elle poussa un cri épouvantable. Elle avait sous les yeux quelque chose d'effroyable. Pire qu'effroyable. Y a-t-il un seul mot dans la langue française pour exprimer cette horreur-là? Je ne le trouve pas. Ce que l'épouse de Barbe Bleue avait vu en entrant dans la chambre défendue, c'était le plancher tout couvert de sang séché, et ce lugubre miroir reflétait dans le clair-obscur le corps de plusieurs femmes mortes, pendues le long des murs. La pauvre femme faillit s'évanouir, quand soudain, la petite clé lui tomba de la main. Toute bouleversée, elle ramassa la clé, referma la porte et remonta à sa chambre précipitamment. Là, essoufflée, elle s'aperçut que la clé était tachée de sang. Elle essaya de l'essuyer, mais la tache ne s'en allait pas. Rien à faire. Elle avait beau la laver et même la frotter avec du sable et du gravier avec le plus grand soin. La tache de sang demeurait toujours. La clé était ensorcelée, c'est évident. Quand elle croyait la tache effacée, elle revenait de l'autre côté. La nuit commençait à tomber lorsque la jeune femme toute tremblante entendit un carrosse s'approcher. C'était contre toute attente son mari qui revenait plus tôt que prévu. « Femme, me voici de retour plus tôt que je ne pensais. J'espère que tu es satisfaite. Une femme doit toujours être heureuse de voir son mari rentrer ainsi à la maison. C'est qu'il ne court pas la campagne à la recherche d'une quelconque aventure. » Voilà qui me confond de joie. Je suis si heureuse. Je commençais à m'ennuyer de vous, perdue dans cette grande demeure. Ouais, c'est ce que je vois. Ah, j'oubliais. Pouvez-vous me rendre mes clés? Bon, après tout, cela attendra demain. Oui, vous me les rendrez demain. On peut imaginer combien, cette nuit-là, le sommeil de la jeune épouse fut agité. Elle fit les pires cauchemars et ne cessa de se tourner et de se retourner dans son lit. Le lendemain, après le petit déjeuner, son bonhomme de mari lui dit « Femme, voulez-vous à présent me rendre les clés? Je dois faire le tour de mes appartements. » Les voici. Barbe Bleue inspecta le trousseau de clés. Mais il en manque une. D'où vient que la petite clé n'est plus là? Quelle petite clé? Celle de la chambre de la galerie de l'appartement bas, parbleu. Ah oui! Je l'avais détachée du trousseau, puisque je ne devais point m'en servir. J'ai dû la laisser là-haut, sur la table. Il n'y avait plus à tergiverser. Lorsque la pauvre coupable, tremblant de tout son corps, remit la clé à son mari, elle était pâle comme la mort. Il la retourna en tous sens, comme s'il savait ce qu'il allait y trouver. Pourquoi y a-t-il du sang sur cette clé? Du sang sur cette clé? Tiens, ma foi, je n'en sais rien. Peut-être me suis-je coupée par mes gardes et j'en aurais laissé une goutte sur la clé. Vous n'en savez rien. Moi, je ne le sais que trop bien. Vous êtes entré dans la chambre que je vous avais défendue. Eh bien, vous y entrerez définitivement et irez prendre votre place auprès des dames que vous y avez vues. Oh, sire, mon époux, soyez bon. Essayez de me le pardonner. Je vous en supplie. Je regrette si amèrement de vous avoir désobéi. Elle s'était jetée en pleurant aux pieds de son mari. Belle et affligée comme elle l'était, un rocher aurait été attendri. Point il ne sert de pleurer devant tant de cruauté. La belle est fort affligée devant un tel rocher. Barbe bleue, c'est toi qui perdras la tête. Tu es bien trop bête. Barbe bleue, ta cruauté te perdra. Par le coup de là, tu périras. Rien ne pouvait l'attendrir en l'absence de sentiments. Il ne lui restait qu'à mourir, la sentence par les sangs. Barbe bleue, c'est toi qui perdras la tête. Tu es bien trop bête. Barbe bleue, ta cruauté te perdra. Par le coup de là, tu périras. Sachez qu'un rocher n'est pas plus dur que mon cœur. Il faut mourir, madame, et tout à l'heure. Puisqu'il faut que je meure, donnez-moi au moins un peu de temps pour prier le Seigneur. Je vous donne une heure. Et Barbe Bleue descendit. Lorsque la jeune femme se trouva seule, elle fit appeler aussitôt sa sœur. Anne, ma sœur Anne, monte, je te prie, sur le haut de la tour pour voir si nos frères ne viennent point. Ils m'ont promis qu'ils me rendraient visite ce matin. Si tu les vois, fais leur signe qu'ils accourent. Sa sœur Anne s'empressa d'obéir. Et la pauvre femme, promise à la mort, de temps en temps lui criait du bas de l'escalier. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Je ne vois rien que le soleil qui rougeoie et l'herbe qui verdoie. Ah, ça y est, je vois. Il y a des gens de ce côté, mais ils sont bien loin encore. Oh! Cette fois, ce sont nos frères. Oh, Dieu soit loué. Je leur fais signe, tant que je peux, de se hâter. Mais bientôt, une voix grave et forte résonna dans les couloirs. Je t'ordonne de descendre à l'instant. Cette fois, Barbe Bleue avait crié si fort que toute la maison en avait tremblé. La pauvre éplorée descendit et alla se jeter une fois de plus à ses pieds. Cela ne sert à rien. Allons, relève-toi. Il faut te résoudre à mourir. Et l'abominable scélérat, la saisissant d'une main par sa chevelure défaite et de l'autre levant un grand couteau, s'apprêta à lui couper la tête. Je vous en conjure, laissez-moi vous persuader de ne pas faire une telle bêtise. Donnez-moi encore un moment pour me recueillir. J'ai besoin de la présence de Dieu pour affronter la mort. Inutile. Je suis sourd et tu es déjà morte. À ce moment, quelqu'un heurta si fort à la porte que Barbe Bleue s'arrêta tout court. On vit rentrer assez promptement, leur épée à la main, un dragon et un mousquetaire. Sans hésiter un instant, ces deux êtres étranges se jetèrent sur Barbe Bleue. Et... Et de part en part, ils le transperçaient. La jeune mariée eut quelque peine à retrouver sa voix pour remercier ses frères. Mais enfin, il se trouva que Barbe Bleue n'avait qu'elle comme seul héritier. Elle utilisa ses richesses à combler tout le monde de largesses. On dit même qu'elle finit un jour par rencontrer un jeune homme très affectueux qui lui fit oublier le mauvais temps qu'elle avait passé avec Barbe Bleue. Abandonnée à son sort, la jeune épouse éprouvée, ça lui a enfin dans cette mort la liberté retrouvée. Elle se vit héritière de sa défunte fortune. Elle en remercia ses frères dans une joie toute commune. Belle, belle est la vie quand le soleil brille, que le vent emporte. Elle gâta vraiment les siens, de temps et tant de largesse que l'amour entretient. Et la vie fit son chemin dans les bras de ce jeune homme qui lui demanda sa main en chassant les vieux fantômes. Belle, belle est la vie quand le soleil brille, que le vent emporte. Mais une chose est certaine, plus jamais elle ne désobéit à son époux. Plus jamais elle ne laissa la petite voix de la curiosité l'envahir. Et même lorsque celle-ci tentait de revenir, elle la chassait en lui disant « Tu as failli me faire ôter la vie. La curiosité est un bien vilain défaut. Je ne veux plus de toi en moi. Je veux pouvoir être libre et sereine. Va-t'en !» Alors la curiosité, honteuse et l'oreille basse, s'en alla voir ailleurs. Peut-être cachée en vous, ah, qui sait. Essayez donc de chercher au plus profond de vous. Oui, elle est peut-être là, quelque part, tapie dans l'ombre de votre esprit.